et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Amon. Quand on dit il marcha contre les fils d'Amon, ça veut dire qu'il est parti au combat revêtu avec la puissance du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, le combat que tu mènes là, tu ne peux pas le remporter avec la chair. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu combats avec la colère, lorsque tu combats avec les mensonges, tu combats avec l'ivrognerie, l'impudicité, ça ce sont les œuvres de la chair. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, même dans le ministère que nous faisons. Mon ami, je voudrais te dire, tu ne peux pas être un bon prédicateur pendant que tu te laisses entraîner par la chair. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ton ministère. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais parler à un pasteur, évite l'alcool. Tu vois, l'alcool risque de gâter ton ministère. Tu vois, tu es déjà tombé dans l'impudicité parce que tu es léger. Tu vois, tu ne peux pas être revêtu de la puissance du Saint-Esprit si tu aimes ces choses de la chair. Tu ne peux pas remporter la victoire. Jephté était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors qu'il a gagné. Il a eu le dessus sur les Ammonites qui étaient leurs ennemis, qui sont venus les combattre. L'autre secret de Jephté ici, c'est le vœu. Oui, le vœu. Il y a des situations pour lesquelles, pour vaincre là, tu peux faire un vœu qui va engager l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Jephté ici l'a fait. Parce que quand tu fais un vœu, le Seigneur va tenir compte de ce vœu-là. Lorsque par exemple tu veux être embauché quelque part ou bien tu postules à un poste de responsabilité élevé, tu peux dire, Seigneur, voici les vœux que je fais. Si tu me donnes ce poste là, voici ce que je vais te donner. Par exemple, le premier salaire sera à toi. Seigneur, si tu débloques ma situation, mes affaires, je vais offrir une voiture à ton serviteur. Je vais construire un temple. Lorsque le Seigneur voit le vœu, il va en tenir compte. Et Jephté a compris cela, vous voyez. Il a dit au verset 30, Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les filles d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les filles d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Vous voyez, c'est un vœu de consécration. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, voici ce que je vais faire. Je vais dire à quelqu'un, à une femme qui n'enfante pas, ça fait longtemps, fais un vœu à l'Éternel. Anne aussi a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu en tient compte. Oui, même dans le cas du combat spirituel, fais un vœu à l'Éternel. Dis ce que tu comptes faire à Dieu si tu te donnes la victoire. Dis ce que tu comptes faire à Dieu si tu te donnes le travail. Dis ce que tu comptes faire à Dieu si tu te donnes les papiers que tu recherches pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Dis le vœu. Le Seigneur en tient compte. C'est un secret qui permet à Dieu de déployer la machine de sa puissance pour t'accorder ce que ton cœur désire. Deuxième vérité, nous devons accomplir notre vœu. Une chose est de faire un vœu, mais une autre est d'accomplir le vœu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as fait un vœu à l'Éternel que si tu te donnes le mariage, tu vas donner telle chose. Maintenant, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le mariage. Mais qu'est-ce que tu fais à l'Éternel? L'argent que tu as promis à Dieu, tu n'as pas donné. Les choses que tu as promises à l'église, à ton papa spirituel, à ta maman spirituelle, on ne voit pas ces choses. Tu penses seulement à tes dépenses. Oui, j'ai beaucoup de factures à payer. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce que tu vois? Jephté a fait un vœu. C'était un vœu difficile. Évidemment, il y a beaucoup d'interprétations autour de ce passage. Il y a des gens qui pensent que ce vœu consistait à offrir littéralement son fils en sacrifice. Non, il ne s'agit pas d'offrir une personne. Ça, c'était des pratiques païennes. Et lui qui était un juif, il savait que c'était interdit. Il ne s'agissait pas d'offrir littéralement son fils en holocauste comme on offre une bête, non. C'était un vœu qui consistait tout simplement à consacrer sa fille, ici, à une virginité perpétuelle. C'est-à-dire, sa fille, bien que fille unique, elle ne devait plus se marier. C'était ça le vœu. Et c'était dur, tu vois. Tu as une fille unique. Parce que comme elle a dit à l'Éternel, que la première personne qui sortira, je vais te la consacrer. Il ne savait pas que c'était sa fille. Et comme sa fille était la première personne à sortir, il a senti la douleur. Mais comme il a fait le vœu, quoi que cela devrait le coûter, il a accompli son vœu. Vous voyez, Il est dit au verset 34, Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Et au verset 35, il dit, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Donc il a senti la douleur. Parce que si tu as une fille unique et qu'elle ne va pas se marier, cela veut dire que tu n'auras plus de petits-fils, il n'y aura plus de descendance. C'était ça l'enjeu. Mais comme il a fait un vœu à l'Éternel là, il était obligé de l'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, si tu as fait un vœu là, même si cela te coûte, il faut l'accomplir. C'est pourquoi il ne faut pas parler n'importe comment. Mieux vaut ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'accomplir. Vous voyez ici, la fille de Jephté est partie pour plairer sa virginité parce qu'elle devait se consacrer selon les vœux de son papa. Et elle ne devait pas se marier, elle ne devait pas avoir des enfants, elle devait rester vierge perpétuellement sans connaître d'homme, sans se marier. C'est parce que son père a fait ce vœu-là. Je vais dire à quelqu'un, si tu as fait un vœu, même si cela te coûte, il faut l'accomplir. Jephté a compris cela. C'est pourquoi il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et sa fille elle-même a compris cela. C'est pourquoi elle dit au verset 36, elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Elle-même a compris que c'était un vœu en rapport avec la victoire que Dieu devait lui accorder. Et ce vœu a été accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Lui qui nous donne toutes ces révélations pour que nous puissions être instruits, pour que nous devenions matures. Il nous aime, il veut notre bénédiction. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. L'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Thank you. sais que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables sait que je suis un vainqueur. Je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. À tous les temps, je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps, j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Gloire au Seigneur, adorons le roi de gloire, bénissons son saint nom, élevons nos voix, disons-lui merci pour tout ce qu'il fait, jour après jour, au nom de Jésus, élève ta voix. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission te fait du bien, tu peux réagir. Pour ceux qui ont déjà l'application sur leur téléphone mobile Android ou sur leur tablette, vous pouvez nous envoyer des photos, vous pouvez nous envoyer des commentaires ou une petite vidéo pour donner votre témoignage sur ce que OSB vous fait. Ça nous fera du bien et le Seigneur sera glorifié. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com à 11h temps universel sur le net et à 20h temps universel sur le net. Notre passage du jour, c'est Juges 11, 29 à 40. Nous venons de voir l'un des secrets de la victoire, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il puisse te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Dans le ministère, si tu veux avoir la capacité de prêcher l'évangile, oh, tu dois être revêtu du Saint-Esprit. Dans les combats, quand tu connais des combats dans ta vie, dans ta famille, les mystiques te combattent. Prie pour que Dieu te révèle de la puissance du Saint-Esprit et que tu sois vainqueur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérer. Opération est comme toi, tendre Père? Qui est comme toi, Éternel des armées? Qui est comme toi, Dieu de paix? Ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, nous élevons ton nom au-dessus de tous les autres noms. Toi qui sièges au ciel et la terre est ton marchepied, c'est pour nous un privilège d'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions au Père éternel et nous te demandons de doter les serviteurs et les servantes de Dieu de la puissance du Saint-Esprit pour exercer le ministère, de la puissance du Saint-Esprit pour le combat spirituel, de la puissance du Saint-Esprit pour conduis ton peuple, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes le zèle, c'est toi qui donnes la motivation. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous prions au Père éternel et nous déclarons que tout piège à la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des servantes et des serviteurs de Dieu est ôté dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons au Père éternel que des conditions soient créées afin qu'ils puissent s'exprimer, afin qu'ils puissent exercer leur ministère avec zèle, avec hardiesse à la gloire de ton nom. Merci Père éternel parce que tu dotes tes servantes et tes serviteurs d'une puissance, d'une onction qui les permettra de faire reculer les puissances des ténèbres afin que ton nom soit toujours glorifié. Merci Père éternel pour la paix, pour la joie, pour l'élévation et pour l'assurance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi l'autre secret, c'est de faire un vœu. Tu vas prier maintenant, ce matin, si Dieu te convainc de faire un vœu par rapport à ton mariage. Tu vas dire, Seigneur, voici ce que je veux faire si tu me donnes le mariage. Par rapport à tes affaires qui sont bloquées, tu peux prendre un vœu, faire un vœu d'un montant consistant que tu comptes donner à Dieu. Et j'aimerais te dire, si tu es sincère, Dieu va débloquer ta situation. Dieu va t'entendre. Fais un vœu, toi femme qui est stérile. Oui, comme Anne l'a fait, comme je t'ai en fait. Si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est entre toi et Dieu. Personne ne peut t'imposer cela. C'est toi-même du fond de ton cœur. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de faire des vœux et que nous puissions les accomplir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Tu nous as tellement aimés. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a rachetés à un grand prix. Et il a purifié nos péchés. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait de nous les héritiers. Alléluia. Nous croyons à cette parole. Et nous demandons ce matin... Nous voulons faire un vœu, Seigneur, c'est de te servir, c'est de te prier. Le vœu que nous faisons également, nous voulons faire un vœu, c'est pas pour acheter ta conscience, mais simplement pour sceller une alliance avec toi. Amen. Pour dire, nous voulons offrir cette voiture, nous voulons donner cette somme à tel serviteur à fréquence V. Parce que cette prière m'a fait du bien. Nous voulons faire ce vœu-là. Seigneur, si tu m'exauces, voilà ce que tu veux faire. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jephthé l'a fait, tu l'as relevé, tu l'as établi. Tu n'as jamais changé. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ton pouvoir, à ton autorité, à ta suprématie, à ta fidélité malgré notre infidélité. Reçois nos prières ce matin. Que le vœu nous te faisons, que ce vœu-là soit accepté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fait des vœux, mais parfois qui n'arrivent pas à les accomplir. Il y a même des gens qui ont pris des engagements pour soutenir la radio. Tu étais dans une rencontre OSP, ça fait plus d'un an. Tu n'arrives même pas à t'acquitter cet engagement, mon ami. Le Seigneur n'est pas content de toi. Frère, combien de témoignages tu as eu? Combien de témoignages tu as eu? Combien de témoignages tu as donné? Tu as même témoigné que Dieu t'a béni, t'a donné plusieurs voitures. Mais combien de voitures tu as donné à ta radio Fréquence Vie? Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous rende capables d'accomplir nos vœux dans le nom de Jésus. Et nous allons nous repentir si nous n'avons pas accompli ces vœux-là au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie. Père, ce matin, je veux infiniment te retourner toute la gloire pour tous tes bienfaits, pour ta grâce, pour tes multiples bénédictions, pour tes faveurs illimitées, pour la santé, la vie, pour la joie, la réconciliation, pour toutes les bonnes choses que tu as faites dans la vie de ces auditeurs par la radio, par cette émission OSB. Béni sois-tu pour tes multiples grâces dans notre vie. En plusieurs occasions, nous avons été bloqués, nous avons été limités et nous avons crié à toi et nous avons dit, si tu nous ouvres cette porte, nous allons te donner cela. Et nous avons fait des vœux et nous avons crié, nous avons dit, nous allons donner à la radio pour l'avancement de l'œuvre, pour l'extension de l'œuvre, pour que la radio soit implantée. Mais jusque-là, point de geste, point de soumission à ce vœu. Aie pitié, sanctifie-nous. Cher Saint-Esprit, certains sont entrés pleinement dans leur grâce. Cette émission OSB leur a fait du bien. Ils le disent oralement, verbalement, mais ils n'ont jamais appuyé cette radio avec une voiture, avec un don consistant, avec un ordinateur, avec une chose qui leur marque, qui leur tient ce matin. Merci de susciter cette personne. Merci parce que ce jour, cette personne vient et donne un chèque, donne la voiture, donne quelque chose qui lui coûte à la gloire de ton nom pour que ton œuvre progresse. Bénis en retour cet homme, cette femme. Manifeste ta gloire encore, garde et protège, ouvre des portes. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce samedi, Femmes Sources d'eau vive vous attend à la grande rencontre de célébration de la fête des mères. L'entrée est libre au CPE à partir de 15h. Venez célébrer les mères. T'aimes, honore ta mère. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.